arrivée. La la la. My name is Mathieu. Listen to Sous Pression here on CHRY 105.5 FM. I'll be with you until the end of the hour playing some French language punk, ska, and hardcore. And instead of just making it up as I go along this week, I've got an entire CD ready for you because I just came back from Wonderland and didn't want to drag my CDs around. So this is my post-Wonderland show. Enjoy. Barcelone, c'est ouvert ce soir. C'était Yabasta avec Barcelone ici à Sous Pression, aux ondes de CHRY 105.5 FM à Toronto et le CIVR 103.5 FM à Yellowknife. Je m'appelle Mathieu, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais vous faire jouer du punk, du ska et du hardcore, tout en français. Et aujourd'hui, il y a un petit thème spécial, un thème, ça prendra pas toute l'émission au complet, mais comme cette semaine marque le 75e anniversaire de la Révolution espagnole, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand fan de l'histoire, surtout de l'histoire libertaire. Alors c'est un événement assez important dans l'histoire des mouvements anarchistes dans le monde. La Révolution espagnole qui a eu lieu de 1936 à 39 pendant la guerre civile a été partie par lorsqu'il y a eu un coup d'État par le général Francisco Franco. C'était un homme de l'extrême droite, un fasciste qui partait un coup d'État contre le gouvernement de gauche socialiste qui a été élu démocratiquement. Et ça a parti une guerre civile qui a duré pendant 3 ans. Et pendant ce temps-là, les anarcho-syndicalistes et d'autres personnes de la gauche se sont organisés avec des comités populaires, des milices, pour défendre leur révolution, pour faire la révolution, pris contrôle de leurs terres et de leurs usines et de leurs communautés. Malheureusement, ça a mal tourné et Franco a gagné la guerre civile et des millions de personnes ont été envoyées en exil ou ont été exécutées par le régime. Mais ça voulait quand même la peine de fêter l'événement, la victoire qu'il y a eu, même si c'était une victoire temporaire où le mouvement libertaire espagnol a réussi à montrer qu'un autre monde est possible, un meilleur monde est possible. Alors, la première chanson-là, c'était pour un peu marquer ça, c'était un hommage de Yabasta aux libertaires de la Révolution espagnole, la chanson Barcelone, série de leur album, Lucha y Fiesta. Alors, sans trop tarder, là, je continue en musique avec le groupe La Fraction. Ça fait un petit bout que j'ai fait jouer, alors je vais faire jouer la chanson Bruit de bottes, une autre chanson qui porte sur le thème de l'antifascisme, un peu un avertissement aux gens de faire attention parce que les mouvements de l'extrême droite font la montée en Europe et aussi ici au Canada, on voit la politique qui se dirige de plus en plus vers la droite et c'est quelque chose qu'il faut faire attention à ça, faut pas l'ignorer. Alors voici La Fraction Sous Pression. Sans arrêt, car sans comment n'en parler, car sans regarder, écouter, sans bouger, car sans... Hey, this is Scott from the Saltines. You're listening to CHRY 105.5 FM. Salut, vous écoutez toujours CHRY 105.5 FM et le CVR 103.5 FM à Yellowknife, CHRY à Toronto. L'émission s'appelle Sous Pression. Je m'appelle Mathieu et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, je serai avec vous jusqu'à la fin de l'heure. Je vais jouer du punk, du ska, du hardcore tout en français. Dans le dernier bloc, on écoutait La Fraction. On a commencé avec ça, la chanson Bruit de botte, tirée de leur album éponyme. Brigada Flores Magan après ça avec Ça se paiera. De leur album Rock or Die, et on vient d'écouter les Salvation City Rockers de leur album éponyme. La chanson s'appelle Fais-le pour toi. Comme j'ai mentionné un peu plus tôt dans l'émission, j'ai joué une couple de chansons portant sur, pour marquer le 75e anniversaire de la Révolution espagnole, couple de chansons qui parlent de cet événement et aussi de l'antifascisme. Je vais faire jouer une chanson un peu plus tard par René Binamé, la chanson Juillet 1936. Mais avant ça, je vais faire jouer une chanson par La Gâchette de leur album Ne renoncera pas. La chanson Immortelle, suivie par une chanson par Me, Mom and the Morgenthalers. Me, Mom and Morgenthalers. Cette chanson-là tirée d'un album, une compilation de ska. Le ska du Québec, alors c'est des chansons, ça s'appelle Two Tongue 1 ou 2, volume 1. Alors on a une chanson, une compilation de groupes qui chantent en français et en anglais. Alors on peut un peu pour démontrer qu'il y a du bon ska qui se fait dans les deux langues ici au Canada. Alors c'est ça, je vais faire jouer la chanson par La Gâchette, ensuite Me, Mom and the Morgenthalers, suivi par René Binamé pour rentrer un peu plus dans le thème. De la Révolution espagnole. Alors voici La Gâchette à sous pression.

Salut, vous écoutez toujours Sous Pression, ici à CHRY 105.5 FM à Toronto et le CVR 103.5 FM à Yellowknife. Alors, on vient d'écouter Les Partisans avec Paul Cartier tiré de leur album éponyme. Avant ça, c'était René Binamy avec Juillet 1936 de leur album 71-86-21-36. Cette chanson-là, c'est une reprise. Là, vous allez me pardonner si je prononce mal le nom. C'est une reprise d'une chanson de Serge Utgué-Royau. Je suis pas certain comment ça se prononce, mais je me semble que c'est ça son nom. Avant ça, on a écouté Me, Mom and Morgan Taller avec Anarchie. On a commencé le bloc avec La Gâchette et Immortel. Alors, on est rendu plus ou moins à mi-chemin de l'émission. Là, c'est le temps où je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission sur le site web de l'émission. C'est mis comme en format podcast. Vous pouvez écouter ça à partir de l'Internet n'importe quand et n'importe où. Ou vous pouvez le télécharger. Le site, l'adresse de du site web, c'est le www.souspression.wordpress.com. C'est le www.souspression.wordpress.com. On est aussi sur Facebook. Vous faites une petite recherche pour... si vous êtes sur Facebook, faites une petite recherche. C'est... Sous Pression, CHRY 105.5 FM. Et vous allez nous trouver là sur le site Facebook. Je mets parfois des liens intéressants ou des liens vers le site web de l'émission. Alors, c'est ça. Je vais continuer en musique maintenant. Une chanson de Hard Times, un groupe que j'écoutais justement ce matin. Un bon groupe de hardcore et de OA parisien. De leur plus récent album, Life is a Battlefield, on va faire jouer la chanson Paris, un petit hommage à leur ville. Alors voici Hard Times à Sous Pression. Je suis chez moi.

C'était Jeunesse et Patrie avec leur chanson Irak tirée de leur album La Victoire Sommeil, un album qui est sorti déjà plusieurs années, ben plusieurs ou quelques, quand, comme 2005, 2004, je sais pas, dans cette, environ une de ces années-là. C'est ça, alors, Jeunesse et Patrie, avant ça, on écoutait Caméra Silence avec Espoir Déçu de leur album Rien qu'entraînant. Cette chanson-là, un petit hommage aux ceux et celles qui se sont battus pendant la guerre civile et la révolution espagnole. Dont on marque le 75e anniversaire cette année. Et comme j'ai dit au tout début de l'émission, ceux et celles qui me connaissent savent que je suis passionné de l'histoire, surtout de l'histoire libertaire. Alors, je marque l'événement en faisant jouer une couple de chansons qui portent sur l'histoire de la Révolution espagnole. Avant Caméra Silence, on écoutait Impact avec Jamais Seul, Banlieue Rouge avant ça avec Sans Reddition, du Guerrilla Poubelle avec Le Bénéfice du Doute, Gerbia avant ça avec Les Surconsommateurs, et on a commencé le bloc avec Hard Times, la chanson Paris de leur album Life is a Battlefield. Alors, c'est ça, l'émission achève, là, on est presque fini, il nous reste environ 5 minutes. J'ai le temps de faire jouer deux dernières chansons. Je vais faire jouer une chanson du nouveau EP de Marabout, la chanson La Soupe aux Choubes, et je vais terminer avec les Parias de leur album La Nuit des Lombiers, Toi mon pote. Alors prenez soin de vous, on se revoit la semaine prochaine. Écoutez, oubliez pas d'aller voir le site web de l'émission, c'est le www.souspression.wordpress.com. On met en ligne les chansons que je vais jouer à chaque semaine ainsi que l'émission même, alors vous pouvez télécharger ça sans les annonces. Alors vous n'êtes pas obligé d'écouter les annonces, c'est juste une heure de musique et de moi qui jase. Alors c'est ça, je vous laisse maintenant avec Marabout, La Soupe aux Choubes. Prenez soin de vous, passez une excellente semaine, et s'il fait beau où vous êtes, profitez-en parce que l'été ne durera pas pour toujours. L'été vous terminera bientôt. Et la neige reviendra puis fera frette encore. Alors profitez des beaux temps. Alors, voici Marabout ici à Sous Pression.